composer avec le rejet. Donc, c'est sûr que lorsqu'on s'individualise et qu'on prend des décisions sur le plan individuel, tôt ou tard, on est appelé à composer avec une forme du rejet du collectif si rapportant. Eh bien, au moment où je vous parle, j'ai pris la décision de ne pas me faire injecter d'une substance. Et j'étais prévu là, de voir là, des gens un peu comme ça se fait là, régulièrement. Et à ma grande surprise, eh bien, pour cette rencontre, eh bien, les gens m'ont fait parvenir un message. Et dans le message, il était mentionné que cette rencontre est réservée seulement aux gens qui sont adéquatement injectés. Sur le coup, pour être honnête avec vous, ça m'a fait ressentir du rejet en tant qu'individu. Au niveau de l'âme, ça m'a amené à vibrer là, momentanément, émotivement. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Donc, j'ai été surpris. Donc, ça m'a créé un choc. Et ça m'a fait voir que je donnais de l'importance à mon affiliation à ce groupe de personnes. Et par la suite, ça m'a amené en colère de vouloir m'imposer, de me faire injecter une substance pour rencontrer des gens. Ensuite, ça m'a fait vibrer un sentiment là, derrière ça là, de rejet, donc d'un certain collectif de personnes par rapport à moi. Et par la suite, je me suis ressaisi et j'ai regardé vibratoirement la situation. Et je regardais, premièrement, est-ce que ça vaudrait la peine que je me fasse injecter une substance? Donc, je ne connais pas les effets à long terme, en tant qu'ego qui réfléchit, pour rencontrer un groupe de personnes et donc de faire injecter une substance qui, en réalité, ça ne m'intéresse pas de me faire injecter fondamentalement. Parce que c'est sûr que par rapport aux effets, je pourrais faire une lecture vibratoire pour regarder là, qu'est-ce qu'il y en est pour moi. Et ce que ça me dit, c'est que ça ne vaut pas la peine. Et par la suite, est-ce que dans le fond, de ne pas voir ces gens-là me porte un préjudice? La réponse, c'est non. Donc, à ce moment-là, quand on prend le temps des fois de décortiquer les choses, on fait des prises de conscience. Parce que si je réalise que je ne rencontre pas ces gens, est-ce que ça nuit à mon développement? La réponse, c'est non. Est-ce que ça m'empêche de bénéficier d'un taux vibratoire? La réponse, c'est non. Donc, de rencontrer ces personnes-là, c'était plus des échanges au niveau intellectuel, informationnel. Mais ça ne me nourrissait pas d'une vibration au niveau supramental. Donc, ensuite... quand on prend le temps de décortiquer les choses, des fois, on donne de l'importance par rapport à des choses et lorsqu'on les décortique et on les regarde autrement, avec un recul, dans un état d'introspection, des fois, on se rend compte que finalement, c'est bien correct que je n'ai pas telle activité avec ces gens-là. Et aussi, la situation, l'événement permet de voir qu'est-ce qu'anime les gens. Donc, si les gens ont peur alors qu'ils sont injectés de d'autres personnes qui ne sont pas injectées, alors que l'injection est supposée les protéger, ça amène à réaliser que ces gens-là vivent à la peur et qu'ils sont dans un esprit de contrôle. Donc, on peut se poser ensuite la question à quel point ces gens peuvent être fréquentables. Est-ce que c'est ça que j'ai envie de vibrer? Et aussi de me faire injecter, est-ce que ça va me sortir de la peur? Donc, est-ce que le fait d'être injecté adéquatement deux doses ou plus de doses ou une troisième ou peu importe, est-ce que ça va fondamentalement me libérer de la peur? Donc, est-ce qu'un moyen physique libère réellement de la peur qui peut être générée dans le rapport de ma psyché avec la pensée? Et la réponse que ça me dit, c'est non. Je pourrais être injecté 20 doses. Et ça ne me sortirait pas plus de la peur de composer avec l'existence parce que si la personne est injectée pour faire face à la menace d'un virus et que la personne aussi est confrontée à la menace d'un accident d'automobile, est confrontée à la menace des changements climatiques, à la menace ensuite de troubles sociaux et ainsi de suite, la personne qui est disponible à la peur, il y aura toujours des pensées qui peuvent être acheminées dans sa conscience, qui peuvent l'amener à vibrer à la peur. Et qu'elle soit injectée ou pas injectée, Si la personne n'est pas capable de gérer adéquatement sa psyché, eh bien, elle va se ramasser à vibrer à la peur. Et l'illusion de la protection, d'avoir plusieurs doses, de demander un passeport pour rencontrer des gens, n'empêchera jamais la personne qui n'est pas capable de gérer adéquatement sa psyché de souffrir de pensées épeurantes ou affolantes qui peuvent être occasionnées dans cette dernière. Pour mettre fin à la peur, il faut que l'individu instaure dans sa conscience un état vibratoire qui est au-delà de la peur. Il faut que la personne soit capable de vibrer du feu de son esprit, de cette intensité énergétique de nature éthérique pour harmoniser sa conscience à son être profond, pas être assujetti à la peur qui va la diviser intérieurement et la morceler sur le plan psychique. Au contraire, être capable de rayonner d'une énergie vitalisante tel un soleil qui diffuse de l'énergie qui va favoriser la mise en lumière du réel. Donc, autrement dit, la question de faire face, par exemple, à du rejet, parce que c'est sûr que présentement, il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui sont non injectés ou qui sont injectés aussi, qui peuvent vivre dans une certaine mesure du rejet par rapport à la situation présente où il y a beaucoup de divisions en société. Et l'essentiel, c'est de regarder qu'à quelque part, il faut ne pas se rejeter sur le plan individuellement, s'accepter, être doux envers soi, s'aimer tendrement. Il faut s'harmoniser à la conscience totale de notre être qui est de type unitaire. L'intelligence artificielle cherche à prendre la place en société par différents moyens. Et il y a des individus derrière qui cherchent à mettre en place un système. Et ça, ça leur appartient et c'est en relation, dans beaucoup de cas, à un esprit de contrôle, à de la peur qui cherche à contrôler l'identité numérique des gens qui rentrent dans des lieux. Mais il faut réaliser que quelque part, ces structures et ces systèmes ne leur apporteront pas de la paix de l'esprit, car pour vivre la paix de l'esprit, il faut le décider consciemment. Et c'est pas les outils de contrôle qui génèrent la paix de l'esprit. C'est plutôt la capacité de l'individu à maîtriser sa psyché, à s'ancrer dans la vibration de la paix, de la générer et de l'infuser dans sa conscience. Mais tout ça pour vous dire que, bon, j'ai vécu un événement où ce que j'ai réagi émotivement par rapport à une forme de rejet en relation avec le fait que je n'étais pas injecté. Et puis par la suite, j'ai eu une conversation interne avec mon esprit qui m'a amené à réaliser que, à quelque part, c'est pas nécessaire de me faire injecter pour aller à telle activité, que c'est pas une activité qui participe à m'amener plus loin sur le plan vibratoire. Donc, à ce moment-là, ben, je fais autre chose pour occuper mon temps, là, naturellement. Et que de vivre du rejet du collectif fait partie de l'individuation et le fait aussi de subir ses choix sur le plan individuel. Et plus que la personne se conscientise et développe un sens d'identité qui lui est propre, et plus qu'elle doit fonctionner sans le support du collectif. Donc, quelqu'un qui se détache un peu du groupe, la personne peut être supportée par 20 % des gens. La personne qui continue à s'élever en vibration peut être supportée par 15 % Quelqu'un qui s'élève encore plus, bien là, elle est plus supportée par les guides de haute spiritualité, les lanceurs d'alerte. Donc, elle peut être supportée par des gens à 5 %. Puis, à un moment donné, la personne entre tellement dans une dimension unique qui se rapporte à elle-même qu'elle ne peut qu'être supportée par elle-même. Et c'est là que la personne doit être vaste dans sa vie, généreuse avec elle-même. Et c'est là que la personne doit être capable de fonctionner sans l'approbation du collectif. Parce que tant qu'on vit en fonction du regard d'autrui, de sa reconnaissance, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas être totalement indépendant du collectif dans notre évaluation de nous-mêmes. C'est sûr qu'en tant qu'individu, on a à fonctionner avec le collectif, mais on a d'abord à fonctionner en fonction de nous-mêmes et de nous écouter, peu importe ce qu'on fait. Des fois, on peut prendre des décisions et le collectif ne reconnaîtra pas nécessairement la légitimité. Mais en dépit de cela, il faut d'abord se reconnaître, être bien dans sa peau. Moi, ce que j'ai réalisé avec le temps, la plus belle chose que je peux faire par rapport à moi-même, c'est me donner le droit de vivre à mon rythme. Et c'est ça qui me permet d'être cohérent, c'est ça qui me permet d'être bien, c'est ça qui me permet aussi de déployer une puissance harmonisatrice dans mon existence. Donc, je vais compléter l'enregistrement d'aujourd'hui en osant harmoniser différents aspects de ma vie. Donc, j'harmonise mon corps biologique à ma volonté d'être en santé. J'investis chacune de mes cellules de lumière, de bien-être, d'énergie, de renouvellement. Je me permets de connaître un renouvellement psychique maintenant. Je me donne à vivre des effluves de l'énergie qui, tel un ruisseau, va jaillir dans mes veines pour renouveler, favoriser la santé et l'équilibre et la régénération de mes artères. Donc, je favorise la régénération de mon code d'ADN. Ensuite, je favorise l'expression parfaite et adéquate et saine de mon ADN, de ma parole, de mon cerveau, de ses deux hémisphères, de mon cœur, ensuite chacun des hormones qui sont présentes dans mon organisme pour que chacune d'entre elles concourt à mon mieux-être. Ensuite, j'harmonise ma conscience de manière à ce que lorsque je dors, mon sommeil soit calme, paisible et régénérateur. J'harmonise ma conscience pour qu'elle soit disponible à l'intelligence créative universelle de manière à me donner accès d'une manière instantanée à toute idée qui peuvent participer et concourir à me permettre à vivre plus de bonheur, plus de joie, plus de liberté. J'harmonise ma conscience à la volonté ferme de rester dans l'équilibre total des différents centres énergétiques, c'est-à-dire les chakras qui composent mon corps biologique. J'investis chacun d'entre eux en les bénissant pour qu'ils aient un fonctionnement optimal. Je bénis ma parole pour qu'elle soit porteuse de liberté, d'harmonie et aussi d'intelligence. Je bénis le feu de ma conscience pour me permettre de rester allumé dans les ténèbres de l'existence et des fluctuations cycliques des périodes auxquelles l'humanité est confrontée. Je bénis ma capacité à être souverain dans ma conscience, ma capacité à savoir par moi-même et pour moi-même ce qui est bon pour moi et d'être capable de m'y tenir. Donc, ensuite, je bénis ma capacité à harmoniser de plus en plus la parole à l'intelligence cosmique pour qu'elle soit un vecteur d'énergie lorsque, à quelque part, des propos sont prononcés. Je bénis ma capacité à avoir une parole qui est juste, claire, précise, simple et vulgarisatrice d'une information qui permet des ajustements vibratoires perpétuels, continus, qui vont favoriser un rehaussement progressif de mon taux vibratoire, de mon énergie, de manière à ce que l'énergie circule librement au cours de ma vie, dans ma conscience, à travers mes actions, les observations aussi que je peux faire dans ma vie. Et aussi, j'investis le lieu que je vis, c'est-à-dire la résidence où je me trouve, pour qu'elle soit investie de lumière, que ce soit un endroit porteuse d'une énergie régénératrice pour mon corps biologique et que ce soit un lieu de puissance énergétique, en ce sens que ce soit un lieu qui soit propice à l'expression de la créativité lorsque je me trouve dans le salon, la salle à manger, pour que, à quelque part, lorsque je mange, eh bien, que la nourriture soit investie d'énergie qui me favorise, tout en investissant spécifiquement le lieu de la chambre où je vais me reposer pour que ce soit un lieu de régénération, pour que chacune des cellules qui composent mon corps biologique soit régénérée lors que de mes activités nocturnes où je vais dormir. En terminant, Je complète cet enregistrement en vous remerciant de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.